Bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'endroit où vous nous captez. Bienvenue dans Mosaïque, votre émission préférée. Aujourd'hui, nous débattons sur le projet de loi portant code électoral récemment adopté par la Chambre basse du Parlement. Ce projet de loi portant code électoral, considéré comme une feuille de route pour les échéances électorales de 2025 et 2027, comporte des innovations et certains politiciens ont déjà décrié certains des articles et voudront que le Sénat burundais ne l'approuve sans avoir visité ce projet de loi. Est-ce que ce projet de loi portant code électoral adopté par l'Assemblée nationale a rencontré l'assentiment des responsables des partis politiques, que ce soit de la mouvance, de l'opposition ou de la société civile? Y a-t-il différence entre le texte en cours d'analyse au niveau du Sénat et celui de l'année 2020? Quel est l'état des lieux de l'espace politique à la veille des élections communales et législatives de 2025? Qu'est-ce qui devrait être fait pour que les élections de 2025 soient libres, apaisées et transparentes? Pour tenter de donner des contributions à l'endroit de ce projet de loi portant code électoral et au déroulement des échéances électorales prochaines, je suis avec trois invités à ce plateau. Gabriel Banzavitonde, président du parti APDR, bonjour et bienvenue dans Mosaïque. Bonjour, je vous remercie de l'invitation. Je salue mes collègues ici au plateau et je salue l'auditrice qui nous capte à travers la distribution de son ami. Le deuxième invité, il s'agit du député Pamphile Maraïka. Bonjour et bienvenue dans Mosaïque. Bonjour, bonjour, je vous remercie de l'invitation. Je salue d'abord ceux avec qui nous sommes sur le plateau. Et je salue ceux qui se sont tentés de nous suivre sur la RTI et ceux qui se sont tentés de nous suivre sur même YouTube et Facebook. Merci. Je suis également sur plateau avec Rémi Habzarimana, président de l'association Maison Lueur d'Espoir. Bonjour et bienvenue à vous aussi dans Mosaïque. Bonjour Évariste, bonjour aux autres invités. Salutations aussi à ceux qui nous suivent. De l'autre côté de la cabine du son et à la prise des images, je suis avec François Akimana et Innocent Bibonimana. À l'animation de ce débat, vous retrouvez Évariste Ndikoubanyanga. Rebonjour et bienvenue. Mosaïque. Sans trop tarder, entrons dans le vif du sujet. Pour organiser les élections, il y a des textes fondamentalement élaborés pour accompagner le processus électoral, à savoir le code électoral. La première question, je la dirige au député Pamphile Maraïka. Vous êtes député à l'Assemblée nationale. Est-ce que l'Assemblée nationale, député que vous êtes, vous avez été saisi à fond avant l'élaboration de ces textes? Bon, merci de la question. Et au niveau de l'Assemblée nationale, normalement, nos contributions, les contributions des députés se réalisent à deux niveaux. Mm-hmm. Premièrement, c'est au niveau de la commission permanente qui est saisie, chargée d'étudier à fond le projet de loi sous analyse, Et pour le cas présent, c'était la commission permanente chargée des questions politiques. Là, on a suffisamment donné les contributions, des amendements, etc. Et au deuxième niveau, c'est au niveau de la plénière. Au niveau de la plénière, là, vous savez que la plénière est souveraine. C'est là où on fournit beaucoup de contributions, beaucoup d'amendements, etc. Et lors de l'analyse de ce projet de loi, au niveau de la plénière, pas mal de députés ont contribué. Il y en a même qui ont été indignés concernant quelques articles, surtout l'article concernant les cautions à donner par les candidats qui vont se présenter. Et vous savez qu'avec le nouveau projet, on a exigé une caution de 100 millions pour un candidat président. Et 2 millions par liste acceptée des députés. De même pour les sénateurs. Et il y a aussi 200 000 par liste acceptée. au niveau des conseillers communaux. Mmh. Peter Panfil, avant qu'on en arrive là, permettez-moi de poser la même question. On va y revenir en deuxième lieu. Avant ou pendant l'élaboration, il y a les challengeurs politiques, il y a aussi les responsables des partis politiques. Gabriel Mazavitonde, votre parti a été consulté. Avant de répondre à cette question, je voudrais vous dire que le Burundi a déjà franchi un pas de la démocratie, et difficilement, et c'est un pas qu'on devrait entretenir pour que la démocratie reste garantie au Burundi. Alors, parmi les piliers de la démocratie, l'un des piliers est les élections. Alors, les élections devraient être au centre de la démocratie. Pourquoi ? Puisque si vous visez vos dirigeants, c'est au niveau de 5 et aussi 17 au niveau du président. Vous entendrez bien, bien. Si vous choisissez bien, vous aurez un bon leadership de 5 et de 7 ans. Si vous choisissez mal, vous risquerez de 5 à 7. C'est pourquoi alors, on devrait mettre attention sur les élections par rapport aux autres piliers de la démocratie. Même il y a le droit d'expression, mais les directions, elles sont des piliers très touchants de la démocratie. Alors, concernant le code électoral, c'est vrai que le 23 octobre 2023, le ministère de l'Intérieur, ayant entré dans ses attributions, a réuni les premiers partis politiques avec la CENI pour discuter sur le code électoral. Alors, on a fouetté le document jusqu'à ce qu'on a contribué fortement. Et aussi, le parti au pouvoir était présent. Mais je dirais que le plus touchant, c'est qu'au niveau du Conseil des ministres, on a attendu les délibérations. On n'a pas tenu compte de nos contributions. Mais aussi, le pire malheur, on a ajouté d'autres qu'on n'a pas même cité dans l'élaboration des textes. Je veux dire qu'au niveau des documents, le conseil du président était 30 millions. On n'a pas touché. Mais on a attendu qu'après le Conseil des ministres, on a mis à 100 millions. Vous entendrez bien, bien que c'était, je dirais, pour nous choquant, puisque les contributions qu'on avait dit centrées autour de 4, je dirais, principes, si les cautions, les documents exigés, les cyprias qu'on demande, ainsi que l'interdiction des médias de proclamer les résultats après le dépouillement, on avait dit qu'il faut cesser. Dans l'ensemble, le code électoral, ça a été ainsi. Mais on ne peut pas dire que aussi il y a des avantages pour nos partis politiques. Ici, je peux citer qu'avec le découpage administratif, 5 provinces au lieu de 18, 42 communes au lieu de 119, ça nous a donné la chance que beaucoup de partis vont se présenter aux élections, puisque 5 provinces, vraiment, vous entendrez bien, bien que c'est moins par rapport aux 18. Puisqu'auparavant, il y avait le dénominateur de 18, mais on va faire le dénominateur de 5. Même si vous vous présentez à 4 provinces, en divisant sur 5, vous entendrez bien, bien qu'on a la chance que beaucoup de partis vont participer. Un autre avantage par rapport aux 18. Oui, permettez-moi, Gabriel, avant qu'on arrive sur les appréciations, entendons-nous comment la société civile s'exprime sur ce que vous venez de dire, des contributions des uns des autres qui n'ont pas été tenues en considération. Rémi Hafzarimana, vous êtes président de l'association Lueur d'Espoir. Vous avez entendu le projet de loi portant code électoral. Il a été adopté à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui est tombé dans votre oreille? Nous suivons avec intérêt le processus électoral et en général le document qui en donnait les orientations en particulier. Et le document se trouve aujourd'hui à un niveau, je dirais, presque final. Pardon. Et ce que je dois dire, c'est que d'abord, la situation, comme ils l'ont dit mes prédécesseurs, les élections est l'un des éléments de la démocratie. Mais les experts dans le secteur disent que les élections se préparent juste après la proclamation des urnes. Lorsqu'on proclame le vainqueur, c'est-à-dire que les autres commencent à se préparer pour l'échéance suivante. Ce qui est un peu gênant dans notre système, c'est que malheureusement, le processus semble commencer presque la veille plutôt du scrutin. Et là, on n'est un peu pas très à l'aise lorsqu'on se rend compte que même ce qui manque n'a plus les marges de manœuvre d'être rajoutées. Parce que tout simplement, ce qui est en train d'être fait maintenant devrait l'avoir été il y a longtemps. C'est-à-dire, pour que même les parlementaires, je vais dire les députés au premier niveau, aient les opportunités, non seulement de faire face au ministère de l'Intérieur qui présente le projet, mais aussi qu'ils aient eu le temps d'avoir les contributions de ceux qu'ils représentent. Être à la zone, être à la commune pour récolter les contributions de tous ceux qui se sentent intéressés par le secteur. Je voudrais souligner ici que la constitution du Burundi donne autorisation à tout Burundais qui remplit les conditions de se porter candidat à tous ces niveaux qui sont prévus justement par le code électoral. Malheureusement, lorsque vous entendez par le biais de la radio ou de la télévision ou par les médias sociaux aujourd'hui que le projet se situe au niveau du Sénat, c'est très difficile pour le citoyen lambda de se situer justement et de dire « Tiens, est-ce que je peux encore apporter ma contribution ?» Et la contribution, c'est surtout au niveau « Est-ce que je suis d'abord concerné par le document ?» Est-ce que je peux être candidat? Alors, vous comprenez donc qu'une bonne partie des libertés individuelles se retrouve bafouée lorsque on a des informations que le projet de loi atteint déjà son niveau pour celui qui voulait se porter candidat et qui n'a plus les marges de manœuvre de le faire, tout simplement parce que tout a été fait d'une façon voulue, soit très rapidement, ou tout simplement d'une façon un peu, je dirais, cachée. Parce que si le processus s'est fait sans qu'il y soit porté à la connaissance de tous les concernés, c'est-à-dire que la notion d'inclusion est mise à côté, et seuls ceux qui se retrouvent convenables avec les dernières décisions de ceux qui ont élaboré le document se retrouvent concernés. C'est donc à ce niveau où maintenant, par exemple, la discussion ne se fait qu'au niveau des partis politiques, parce que c'est à ce niveau, eux seuls ont le privilège d'être présents au niveau du Sénat et au niveau de l'Assemblée nationale. Mais quand est-ce que le citoyen qui voudrait se porter candidat dans tous ces niveaux a eu les opportunités justement d'avoir des informations qui lui permettent de dire « Tiens, il y a un problème à ce niveau, il y a un problème aussi à ce niveau ». Lorsque cela n'a pas été porté à la connaissance du public au niveau communal, au niveau zonal, au niveau provincial, et que cela se fasse seulement au niveau vraiment à la sommité, ça aurait été bien si cela était réel et que la majorité se retrouve dans la représentation au niveau du Parlement et qu'on se dit, on a été en contact avec nos élus. Nous leur avons donné tout ce que nous pensons et ils y vont justement faire arriver les considérations. Mais lorsque vous comprenez que même cela, à leur niveau, ils y donnent leur doléance et malheureusement, ils se plaignent qu'eux aussi n'ont pas été écoutés, vous comprenez donc qu'il y a quelque chose qui manque et c'est un problème très sérieux au niveau du processus et on se pose cette fois-ci la question de savoir qu'en est-il des résultats? L'adhésion de ceux qui sortira de cela lorsque justement le processus n'a pas été inclusif. Oui, même ceux qui ont été écoutés tout à l'heure, le disait Gabriel Banzawi Tondé, leurs contributions n'ont pas été tenues en considération. Député Pamphile Maraïka, tout à l'heure, vous aviez déjà attaqué les manquements qui se retrouvent dans ce projet de loi. Qui sont-ils? De prime abord, je voudrais dire d'abord que en toute chose, il faut respecter le prescrit de la Constitution. Dans la Constitution dont nous disposons pour le moment, l'article 13 dispose que tous les Burundais sont égaux en mérite et en dignité. Tous les citoyens jouissent des mêmes droits et ont droit à la même protection de la loi. Aucun Burundais ne sera exclu de la vie sociale, économique ou politique de la nation du fait de sa race, de sa langue, de sa religion, de son sexe, de son origine ethnique. Ceci la, pour la, dire la, l'article est bien clair. C'est-à-dire que quand il s'agit des élections, vous comprenez que tous les Burundais devraient être égaux. Mais tenez ceci, en indépendant, pour être élu dans une circonscription, il doit avoir 40% de suffrage, alors que les partis politiques doivent avoir seulement 2%, même si c'est dit que c'est au niveau national. Vous comprenez que même à ce niveau, il y a vraiment en deux poids, deux mesures. Supposons qu'il y ait deux indépendants. Le premier est 55%. Le deuxième est 45%. Les deux totalisent 100%. Alors qu'au niveau du conseil communal, on doit avoir 25 membres. Alors, les 23, d'où proviendront-ils? Ça, c'est déjà un hic. Même si on suppose que les deux est 90% et que 10% sont partagés parmi les autres partis politiques. Est-ce que les 23% vont provenir de ces 10% alors que ceux qui ont eu 90% vont obtenir deux sièges uniquement? Ça, c'est aussi un autre hic. Concernant la caution, le code électoral de 2005, dont j'ai ici, l'article 202, la caution était de 3 millions pour le président. Et pour les sénateurs, c'était 100 millions par liste. Et pour les députés, c'était 200 000 par liste acceptée. En 2019, c'était 500 000 pour les députés, c'était 400 000 pour les sénateurs, c'était 30 millions pour le président. Actuellement, c'est 100 millions pour le président, 5 millions pour les députés et les sénateurs. Et comme je m'en ai, on a même exigé une caution pour les membres du conseil communal, alors qu'ils ne seront pas payés. Vous trouvez que vraiment c'est à ce rythme, est-ce qu'en 2030, on sera à 1 milliard? Si au moins cette caution était la condition pour avoir un bon leadership, là ça serait compréhensible. Mais vous pouvez donner ça, ces 100 millions et ne pas avoir un leader qui pourrait développer un pays. En tout cas, vraiment, on ne comprend pas comment on s'est acharné sur ces cautions, si ce n'est qu'un texte qui est taillé sur mesure. Vous parlez de taillé sur mesure, pourquoi? Oui, parce que vous comprenez qu'il y a, de l'exclusion. Il y a de l'exclusion. Et aussi, vous savez que ce qui concourt dans la campagne électorale, ce sont les partis politiques. Pourquoi on n'a pas tenu en compte leurs considérations? Pourquoi leurs désidérata n'ont pas été tenus en compte alors que les suggestions de la CENI de 2020 ont été tenues en compte? Ça, c'est vraiment c'est paradoxe. Ça. Comme le disait, les contributions des partis politiques devraient être en premier lieu considérées. Sinon, il y a un hic. Si les partis politiques demande que les résultats sur un bureau de vote soient communiqués in situ, sur le terrain, où est le problème? Et c'est là où se trouve déjà même la crédibilité. Surtout que cette fois-ci, on a rabaissé l'heure de clôture de vote. On est passé de 16h à 15h pour avoir 3h pour le dépouillement et le procès-verbal. Ça serait une bonne occasion de proclamer les résultats de ce bureau de vote, ainsi de suite. Et comme c'est la compilation qui se fait au niveau de ceci, soit une compilation sur des résultats déjà connus par tout le monde. Alors pourquoi on ne veut pas cela? Pourquoi on a exigé des sanctions pour sur des médias ou des journalistes ou des personnes qui se donnent la peine de dire, de dévoiler les résultats obtenu sur place, ou soit déjà que ça serait devant l'heure, avant l'heure. Ça, c'est aussi un autre problème. Et en tout cas, il y a vraiment pas mal de choses qu'on déplore. Et surtout que même la mise en place de la CENI. La CENI, c'est l'arbitre principal de ce processus électoral. Il y a des partis qui se disent les uns du fait qu'ils n'ont pas été consulter. Normalement, la CENI devrait être un miroir qui devrait refléter pour que chaque parti politique on voit son image à travers la scène. Mais vous avez entendu que lors de la mise en place, quand on a adopté la Sénat, l'Assemblée nationale, il y a ce qu'ils ont dit qui n'ont pas été consultés. Il y en a même qui étaient dehors quand on a approuvé la CENI. Pour vous dire que on ne peut pas gagner une course de 100 mètres avec un faux départ. Mm-hmm. Merci. Oui, vous venez d'évoquer une chose très importante à ce qui est des cautions. Et là, le président de la Chambre basse du Parlement s'est exprimé en disant que les Burundais, ils ont trop d'argent, ils les conservent même à la maison. Vous étiez là, quel est votre sentiment par rapport à ces propos du président de l'Assemblée nationale? Bon, vous savez que même s'il y a une grande partie de la population qui croupit dans la misère, il y a d'autres qui sont riches, effectivement. Il y a d'autres qui ont de l'argent. Mais est-ce que cette population qui croupit dans la misère devrait être exclue dans cette course électorale, alors que c'est pour la population? Normalement, ils devraient avoir la chance aussi de compétir et qu'ils ne soient pas vraiment exclus à cause du manque de cette somme d'argent. Être pauvre n'est pas un crime. Avant qu'on arrive sur l'étape des appels, abondons dans le même sens du sujet. Gabriel Banzavitonde, président de la PDR, vous avez été consulté par le ministre dans une réunion avec d'autres challengers. Tout à l'heure, vous vous plaignez comme quoi les contributions que vous avez données n'ont pas été en considération. Est-ce qu'on peut savoir quelques-unes? Oui, c'est vrai. C'est vrai de répondre à cette question. Je veux dire pourquoi les partis politiques ont une grande intention par rapport aux élections 2025. Ce sont des élections où la candidature présidentielle ne sera pas parmi. Alors, en 2027, avec la candidature présidentielle, les élections 2025, je veux dire, zéro à la base. Puisque si, en 2025, le parti APD n'aura pas de députés, n'aura pas de conseillers communes, c'est-à-dire qu'en 2027, on n'a pas l'intérêt de se présenter en tant que candidat présidentiel si je n'ai pas les élus. Même aussi celui qui va se présenter, il n'aura pas l'intérêt de contacter le parti APD pour l'accompagner alors qu'ils sont vides. Donc on est intentionné de quoi? De se présenter et d'avoir les élus pour qu'au moins en 2025, soit on se présente aux candidatures ou bien aussi on négocie avec notre force. Donc en 2025, comme en football, on sera en demi-finale. On devrait avoir l'intention particulière pour les élections 2025. C'est pourquoi ici, il n'y a pas de badinage, il n'y a pas d'amitié. On est dans la course. Celui qui est au pouvoir veut rester au pouvoir. Nous aussi, on a besoin du pouvoir. Alors, on devrait avoir des textes qui nous régissent tous. Pour que si je manque, je dis vraiment grand merci aux vainqueurs. Mais si je réussis aussi, on me dit grand merci. Alors, quand nous étions dans la réunion, à l'unanimité, on a dit qu'il faut il faut balayer les cautions des conseils communes. Ce sont des gens qui n'ont pas de quoi de salaire. Ce sont des élections locales. On n'a pas l'intérêt de demander des cautions. On a dit aussi de rester avec 500 000 pour les députés et 400 pour les sénateurs. Mm-hmm. On était convaincus. Et pour le présidentiel? Pour le présidentiel, le projet texte était 30 millions. 100 millions, on ne sait pas là où c'est venu. Au niveau du conseil des ministres, alors que les organisateurs, les élaborateurs avaient déjà mis 30 millions. Pour les documents, on a dit les documents sont énormes. Et on demande aussi à 4 exemplaires. On a demandé à la CENI, avec ces 4 exemplaires, vous servez de quoi? La CENI a dit, nous aussi, nous ne voyons pas pourquoi les 4 exemplaires. Nous restons avec un exemplaire au niveau de la cour constitutionnelle. Alors, vous les deux, on a manqué. Si tu es le député, on n'amène pas le dossier au niveau du Parlement. Les témoins, est-ce qu'on a amené votre dossier au niveau du Sénat, au niveau du Parlement? On n'a pas déposé le dossier. Alors pourquoi on demande 4 exemplaires? On a dit pour faciliter les gens, laisser la carte nationale d'identité, copie des cartes d'électeurs, ainsi que peut-être résidence, attestation de résidence. Et après, celui qui a été élu, va compléter le dossier. On sait bien qu'il faut mettre, notez bien. Le document exigeant des élections, c'est ça. Celui qui sera élu va compléter le dossier. Le suppléant, on demande au co-directeur que celui va avoir au moins. Si c'est par exemple le conseil communal, 25, tu dois avoir 100 personnes aux listes. Chaque personne, numéro 1, va avoir 3 suppléants avec même ethnie, même sexe. Numéro 2, 3 suppléants. Numéro 3, 25, 3 suppléants. Tu dis pourquoi? Dans la liste de 25, si on met 50, il y a les Hutus, il y a les mêmes sexes, il y a différents sexes, différentes ethnies. Il faut arranger. Les médias ont dit qu'il ne faut pas publier les résultats provisoires avant l'organe compétent. C'est-à-dire que vous observez, vous rentrez avec eux pour faire quoi? Alors, au Sénégal, nous a témoigné qu'après les élections, on a commencé à féliciter le vainqueur. Tout ça, on a dit vraiment on va délibérer. Mais par après, au Conseil des ministres et au niveau du Parlement, on a trouvé quelque chose reste inchangeable. Mais aussi, on a ajouté 100 millions. Au moment où on en trouve à l'avenir de la démocratie, le président a collecté 100 millions. Pour avoir 100 millions, je dirais bien et bien. Un million. Oui. Les membres du Prodevo, les Dragouhem Moukassé, les entendent, moi j'étais pété à 5 ans. Mais on a dit que même mon père a contribué fortement pour avoir 1 million. Alors aujourd'hui, avec 100 millions, est-ce que le pouvoir d'achat a augmenté? C'est quoi va servir? C'est-à-dire qu'on donne la chance aux riches de gouverner les pauvres, alors que ce sont les pauvres qui vont voter. On donne la chance aux milliardaires. Et ces milliardaires, ils ont volé le gouvernement, ils ont volé le bien public, ils n'ont pas été punis. Comme le président de l'Assemblée a dit, ils ont beaucoup d'argent. C'est-à-dire que c'est sûr. En 2005, ils avaient combien? Pourquoi ils le disent aujourd'hui en 2024? En 2005, ils ont venu avec combien d'argent d'armes? C'est aujourd'hui qu'ils ont encaissé. Ils commencent à chanter qu'ils ont beaucoup d'argent. Et c'est la chance qu'ils ont dit qu'ils possèdent. C'est le témoignage qu'ils ont beaucoup d'argent dans les maisons. Alors, les gens chargés devraient fouiller les maisons pour voir ce qu'on ferait fort qu'ils restent dans les maisons. Mm-hmm. Sinon, à moi, même aujourd'hui, qu'ils passent dans ma maison, je n'ai pas même 100 000 de réserves de la maison. Ça ne serait pas des accusations gratuites? En tant que président d'un parti politique, même dans la maison, il n'y a pas 100 000. Mais il a dit que les maisons sont remplies de l'argent. Alors que le Burundi, les fonctionnaires, dirais-je au mois de mars, ont été payés tardivement. Alors qu'ils ont dit qu'en 2025, en arrivant, ils avaient compte. C'est pour dire que les partis politiques, on a l'intérêt que ces élections passent en botte. Aussi, je vais signaler une chose. Au Burundi, depuis 1966, après 10 ans, il y a des troubles politiques. 1966, 1976, 1987. 2096, 2006, 2015, maintenant 2015 à 2025, il y a 10 ans. On n'a pas besoin d'autres malentendus, d'autres chicaneries au Burundi à cause du fonds de paix. C'est pourquoi on demande aujourd'hui avec le Sénat burundi d'inviter le ministre de l'Intérieur, lui demander les contributions des partis politiques pour en considérer. En fait, que demain, bien après demain, on n'aura pas encore des problématiques maintenant des élections, puisque le Sénat, les députés qui est ici, les sénateurs seront les garants de ce qui viendra en 2025 à cause des textes législatifs des élections mal préparés. Merci beaucoup, Banzaoui Tondé. Nous sommes aussi avec les membres de la société civile. Et Rémi Abzalimana, président de l'association Lueur d'Espoir. Vous venez d'entendre les doléances de ses invités. Il vient de dire que le projet de loi portant compte électoral est taillé sur mesure. Que le parti au pouvoir voudrait faire cavalier seul. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, c'est dommage que la situation soit comme telle, mais malheureusement, c'est comme ça que ça a été. Et c'est justement cela qui explique ce qu'il vient de dire, qu'à chaque fois, il y a une sorte de crise cyclique qui vient justement parce que rappelons que les mêmes complications s'étaient présentées en 93 lorsqu'on allait commencer les élections. Les plaintes du parti Frodebou allaient dans ce sens, disant qu'il fallait mieux préparer les élections. Malheureusement, le parti qui était au pouvoir à cette période-là n'a pas tout accepté. Et curieusement, lorsque les élections se sont renversées, tout ce qui était prévu pour le parti au pouvoir s'est retrouvé pour le nouveau parti au pouvoir et c'est la crise. En 2005, je me souviens qu'il y avait tellement de réclamations de la part du CNDD et FDD qui voulaient que les choses s'améliorent. Le Frodebou qui était allé à cette situation, à cette époque au pouvoir, à un certain moment, c'est vrai que c'était une transition, mais le Frodebou, je sais qu'il y a pas mal de points qui sont restés malheureusement sans changer. Et lorsque la situation s'est renversée, c'est justement ce qui s'est passé. Malheureusement, les plaintes se retrouvent du côté de celui qui hier gérait le pouvoir et qui se retrouve aujourd'hui en train d'être géré. Et le danger donc qui se dessine ici, c'est au cas où il advenait que le parti au pouvoir ne se retrouve plus au pouvoir, c'est-à-dire que tout ce qui est taillé sur mesure se retrouve du côté de l'autre. Et là, c'est très difficile pour les vaincus de s'habiller tel qu'ils n'ont pas prévu. Et le non-adhésion à la nouvelle donne est souvent à la source de ce que nous vivons, malheureusement, cycliquement. Ce que nous demandons, c'est justement la considération et l'écoute de tout ce qui y est donné comme contribution. Je l'avais souligné, toutes les contributions n'ont pas eu les opportunités d'être reçues parce que l'information a été donnée tardivement. Même les amendements à l'Assemblée nationale n'ont pas été tenus en considération. Même celles qui ont été données, vous comprenez que ceux qui en ont donné restent dans l'insatisfaction. Donc, c'est-à-dire que nous voyons déjà se dessiner une sorte de source de crise qui, si rien n'est fait, risquerait justement de nous mener vers une situation qui n'est pas souhaitable. Ça, c'est la première chose. La deuxième, je l'avais dit, c'est un problème très sérieux du fait que maintenant, les discussions se font au niveau des partis politiques. C'est-à-dire que la population, le reste de la population qui ne se situe pas au niveau des partis politiques n'a plus de place, n'a plus de cadre d'expression, n'a plus d'opportunité de pouvoir exprimer leurs inquiétudes. Ce candidat qui est de Karoussi ou de Makamba ou de je ne sais quelle autre, n'importe quelle autre commune du Burundi, qui n'est pas membre d'un parti politique mais qui souhaiterait se porter candidat à n'importe quel poste, n'a pas eu les opportunités de dire ce qu'il vous souhaiterait voir dans le code électoral. Et maintenant, il n'en a plus les opportunités. Et là, c'est comme si c'est une page de terminer, de plier, parce que celui-là se retrouve exclu, alors que les élections sont qualifiées d'inclusives, d'apaisées, de tous les qualificatifs embellissants. En réalité, la situation s'inverse. Donc, c'était ce sentiment de voir quand même qu'il y a une bonne partie de la population qui ne suit pas le processus et qui demain sera appelée à voter. Et l'inquiétude qui s'ajoute à cela, c'est que demain, si les choses continuent telles qu'elles sont, on va aussi appeler la population à voter à des candidats pour lesquels on n'a pas, ils n'ont pas été informés sur ce qui concerne leur projet de société. Parce que malheureusement, comme on ne donne pas assez de temps de préparation pour que les gens soient informés des contours des élections, malheureusement, on va se retrouver la veille des élections et le contenu des projets de société vont se communiquer officiellement durant les 2 semaines avant les élections, alors qu'en ce moment-là, vous n'avez qu'à vous adresser à ceux qui sont déjà convaincus, qui sont venus vers vous. Et là, ils ne viennent pas nécessairement vous écouter, leur expliquer le contenu de votre projet société. Malheureusement, si rien n'est fait, ceux-là viennent plutôt pour écouter ce que tel candidat parle de négatif de l'autre, et c'est ce qui crée malheureusement les soubassements de ceux qui proviennent comme des crises qui reviennent cycliquement et qui nous mènent vers cette situation où le développement n'est pas discuté au niveau des partis politiques. Merci beaucoup à Rémi Haftarimana. Je rappelle à ceux qui viennent de nous rejoindre que nous sommes dans l'émission Mosaïque et nous débattons sur le projet de loi portant code électoral. Ce projet déjà adopté à l'Assemblée nationale et qui aujourd'hui est en cours d'analyse au Sénat avant son approbation. Mosaïque. Le projet n'a pas trouvé l'assentiment des politiciens, surtout de l'opposition, même ceux de la mouvance comme Gabriel Manzavitonde, ainsi que la société civile. Aujourd'hui, nous sommes à la veille des élections. Pafile Maraïka qui compte se faire élire à Muyinga. Comment est le terrain aujourd'hui, l'espace politique? comment est-ce que vous trouvez ça? Bon, d'abord, avant d'aborder sur cette question, je voudrais d'abord glisser quelque chose sur les lacunes. Mm-hmm. Normalement, le projet, la loi, le code électoral devrait être précédé par la révision de la Constitution. Mm-hmm. La Constitution devrait normalement être révisée et avant le code. Par exemple, trouver une solution sur l'institution capitale qui est le Sénat. Ce qui n'a pas eu lieu. Dans ce que les partis politiques avaient proposé, il fallait qu'on révise d'abord la Constitution pour que l'institution du Sénat soit maintenue telle qu'elle était. Mais aujourd'hui, on aura 13 personnes, dont 3. Vous comprenez que ça sera presque dominé par l'ethnie toi-même, si ce n'est pas un problème. Et deuxièmement, il fallait aussi trouver la solution sur les indépendants. Les 40% qu'on exige aux indépendants, c'est aussi un grand problème. On devrait aussi trouver une réponse aux coalitions politiques. Les coalitions des partis politiques, on dit dans le code que pour le moment, ça sera. Les coalitions vont se faire après le décret présidentiel convoquant les élections. Avoir la période qui sépare cette convocation et le scrutin, c'est une période très petite. Est-ce que ces coalitions auront du temps suffisant pour s'organiser, aussi mettre en avant le projet de société comme il était tenté de le dire, M. Lémy? Oui, il disait tout à l'heure que c'est un faux départ. C'est un faux départ. En 1993, je me souviens qu'on réalisait des fenêtres, on donnait à chaque parti politique 15 minutes pour exposer son projet, son programme électoral. Je me souviens que le faux départ, c'était la journée du vendredi. Les autres partis, c'était lundi, mardi, mercredi. C'était longtemps avant même les élections. Mais pour le moment, on n'a même pas prévu cela, de peur que peut-être que les projets d'autres partis politiques pourraient dominer le programme électoral des partis au pouvoir. Ok. Alors, concernant votre question que vous venez de lancer, le climat politique. Oui. Vous savez ce qui s'est passé au niveau de notre parti, le CNR. La constitution de la République du Burundi en son article 80 empêche l'immixion des pouvoirs publics dans les affaires internes des partis politiques. Mais vous savez que le ministère de l'Intérieur s'est ingéré dans l'organisation du parti CNR jusqu'à ce qu'il a pris acte de conclusion dans ce congrès qui a été organisé en Ngozi en date du 10 mars 2024, un congrès qui n'a pas été convoqué par le président du parti parce que les statuts disent que c'est le président qui convoque un congrès qui n'a pas été préparé. Je vous rappelle que le ministre de l'Intérieur avait rejeté les conclusions des congrès dûment bien organisé au mois de mars et avril 2023. Des congrès qui étaient inclusifs, des congrès autorisés, des congrès dans lesquels tout le monde a participé pour prendre acte des conclusions d'un congrès non inclusif, un congrès où 18 députés sur 18 députés à un sénateur sur 33 députés du parti CNR étaient à l'extérieur, assis sous un soleil accablant, entourés par la police, etc., etc. Un congrès dont la qualité des participants est toujours inconnue parce que les membres statutaires attitrés n'étaient pas présents. On s'imagine comment le ministre s'est arrangé pour prendre acte de ses conclusions. Alors que même le président du parti lui avait demandé d'organiser un congrès inclusif en date du 26 février, qu'il a refusé et qu'il a donné l'autorisation 11 jours après. Ceci pour vraiment, dire. C'est pour vous dire que si on voulait des élections bénéfiques pour la population, il fallait d'abord aider les partis politiques à être forts, sans toutefois les diviser ou les malmener. Merci beaucoup, Pamphile Maraïka Gabriel Benzawitonde. Le terrain, une année des élections, comment est l'espace politique aujourd'hui? autre chose que je peux dire, que c'est que parmi les conclusions de la rencontre avec le ministère de l'Intérieur, on avait sollicité l'amendement de la Constitution, c'est vrai, pour que les sénateurs on puisse augmenter, parce que la Constitution dit que c'est 2 sénateurs par province. Alors, on aura 10 sénateurs et 3 cooptés. Avec les commissions, je pense que c'est 8 commissions au niveau des Sénats et des Parlements. Je ne sais pas que 13 membres vont participer dans ces commissions. Mais aussi 13 membres, même au cabaret pendant la soirée, on peut les convaincre d'une loi qui va se passer demain. Il faut aller tout simplement adopter à l'unanimité sans se former, mais jeter un coup de 13 membres, c'est petit, il n'y a pas de discussion. Une autre chose qu'on avait demandé, aussi pourquoi les Batois sont cooptés parmi les associations les plus représentées, alors qu'aujourd'hui c'est au nombre de 13 associations. C'est-à-dire au niveau même de la CENI, ça devient un problème aussi au niveau des Batois. Il y a des associations qui s'acharnent au niveau de la CENI, disant c'est moi qui ai le plus représenté. Alors on a demandé, il y a les Batois qui sont dans les partis politiques. Mais on amène un député qui est dans une association d'élevage et de porc. Si tu ne comprends pas, alors qu'il y a un député, il y a un toi qui a fait la politique comme un métier. Aussi, c'est ce que stipule la Cour d'Arusha. Voilà, la Constitution. On avait demandé vraiment que la Constitution soit amendée pour que c'est la Kine puisse être arrivée. Alors, aujourd'hui, avec l'espace politique sur terre, je vous dis franchement, l'espace est ouvert au niveau du terrain. Il n'y a pas de problème, mais dernièrement, mercredi, on était avec le ministre de l'Intérieur, avec le gouverneur. Il a rappelé que les partis politiques informent les activités, ne demandent pas la permission. Jusqu'à maintenant, vous êtes les témoins, vous les journalistes. Il n'y a pas un parti qui clique, on a levé son drapeau, on a abîmé sa permanence. Le terrain est vide. Mais le problème, c'est quoi? Le terrain est ouvert, mais quelque part, il y a blocage. Les partis n'ont pas de financement extérieur. C'est prohibé. Le gouvernement dit qu'il peut financer les partis, mais aussi il y a des sièges. Donc, en comptant sur les membres, les contributions sont minimes. Les contributions sont minimes. N'ont pas de postes dans le gouvernement pour avoir des contributions. Les partis, vraiment, on dit aujourd'hui que c'est au nombre de 36, mais qui sont sur le terrain. L'espace est ouvert là, mais quelque part, il n'y a pas de moyens pour atteindre le terrain. Vous voulez dire quoi? C'est le CNDD-FDD qui est présent? Non, on ne bloque pas. C'est pourquoi on est inquiet de bloquer au niveau du code électoral, alors que les partis n'ont pas de moyens pour atteindre le terrain. Il faut laisser les partis se vaguer dans les activités, en fait que des mots bien près de mais il n'y aura pas un parti qui dit que moi je ne peux pas présenter aux élections à cause des entraves qui sont dans le code électoral, alors qu'ils n'ont pas de moyens. Il faut laisser les partis, sans toutefois aggraver les conditions de blocage, alors que déjà il y a des conditions de blocage, suite à quoi? Des moyens. Parmi les 36 partis politiques, vous êtes les journalistes, faites des investigations. Quels sont les partis qui ont mis des permanences nationales? Quels sont les partis qui ont mis des permanences nationales? Pas provinciales, nationales. Quels sont les partis qui ont des bureaux? Vous trouverez que les bureaux sont bureaux mobiles, derrière les mallettes. Alors, ajouter encore des blocages, ça crédibilise même le parti au pouvoir. C'est pourquoi nous disons qu'il faut, laisser les partis, on a un appel vibre aux sénateurs d'alléger ce qu'on a demandé pour que demain, il n'y aura pas un parti qui ne se présente pas aux élections, disant qu'il y a des blocages au niveau du code électoral, alors que déjà, souffle à l'agonie. Les gens souffrent à l'agonie. Oui, les partis souffrent à l'agonie. Oui. Ils n'ont pas de moyens. Je vous dis que les partis n'ont pas accès au financement extérieur. C'est prohibé. Les partis n'ont pas de financement du gouvernement. Alors, compte à nos membres. Alors, est-ce qu'à nos membres, comment aujourd'hui le pouvoir d'achat, quel membre qui est capable de nous donner même 10 000 francs? C'est pourquoi on a peur que demain, il y aura des députés qui soient riches seulement. Puisqu'en Arignan, le liste, je veux dire, tu as la caution, oui. C'est numéro 1. Alors vous trouverez au niveau du Parlement, chambre basse et haute, vous trouverez des députés magnats, riches, qui ont volé peut-être le pays, ils ont financé les partis, ils ont la place satisfaisante au niveau des résultats, puisqu'il manque de moi. Je n'ai pas aligné quelqu'un qui n'a pas 10 000 francs. Il est crédible, il est honnête, mais la caution, le bloc, c'est-à-dire que vous trouverez là où nous sommes en train d'arriver. Oui, Rémi Abzaliman, on a des plaintes toujours, des multitudes de plaintes du côté des challengeurs politiques. Oui, des plaintes, mais évitables. des plaintes qui, pour moi, pourraient avoir de l'espace pour qu'effectivement il y ait un terrain d'entente. Et je reviens sur ce dont j'ai parlé au début, c'est le fait que malheureusement toutes ces opérations se font à la veille des élections. Si l'on avait pris le temps justement de le faire à temps, il y aurait moyen de discuter et trouver réponse à toutes ces interrogations. Parce que voyez-vous, lorsqu'on se dit que les partis politiques ne sont pas sur le terrain, ne sont pas opérationnels sur le terrain, c'est une preuve que effectivement il y a des problèmes. Alors, paradoxalement, la réaction du parti au pouvoir semble aller dans le sens de peur, réaction de peur, et à entendre ce que disent les autres partis d'opposition, où ils disent qu'ils ne sont pas en mesure justement de faire face à ce qu'il y a. Et la question qui viendrait là serait, est-ce qu'on est en compétition des dirigeants riches, et c'est pour éviter la corruption, et c'est pour éviter, je ne sais pas, mais pourquoi effectivement on devrait aligner les personnes qui ont les capacités financières plus élevées que les autres? Est-ce parce qu'ils sont plus compétents que les autres? Et donc, il y a de toutes ces interrogations qui sont là et qui ne trouvent pas encore de réponse et qui, malheureusement, lorsque ces questions ne sont pas discutées, il y a lieu effectivement de discrédit de la part de l'élaborateur de ces textes, parce qu'on va se dire, ça cache trop de choses, il y a tellement de peur, alors qu'il y avait moyen justement de faire d'une façon claire et inclusive et finalement gagner la crédibilité de tous les compétiteurs. Alors, j'en appelle encore une fois aux décideurs, effectivement, d'élargir les angles et de voir ce qui est encore faisable. Je sais que c'est presque à la dernière étape, mais les sénateurs devraient analyser les réclamations afin que peut-être ils donnent des orientations au niveau du gouvernement qui vont dans le sens d'apaiser, d'élargir, parce que finalement, c'est ça, les élections apaisées. C'est les élections auxquelles participent les personnes qui n'ont pas beaucoup de plaintes, qui n'ont pas beaucoup de grognons. Mais si une bonne partie s'y rend avec justement ce degré de non-adhésion assez développé, c'est-à-dire qu'on va plutôt enregistrer trop d'abstention, trop de personnes qui disent « ça ne vaut pas la peine de m'y rendre parce que finalement je sais que l'orientation est préétablie ». Et là, c'est le discrédit de l'organisation. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est ce sentiment qui commence à croître, que la population commence à se dire « est-ce que je suis finalement représenté au niveau des institutions ?» Parce que, d'une part, je n'ai pas été informé. Ceux qui sont informés, même leurs doléances, ne sont pas écoutés. Est-ce que finalement le député représente la catégorie qui n'est pas touchée? Est-ce qu'il y a contact avec ces gens lorsque on ne sait pas qu'il y a eu organisation des séances au cours desquelles les députés, les sénateurs ont eu à échanger avec leurs électeurs pour qu'ils expriment ce qu'ils veulent? Ça, c'est la première chose. Le deuxième niveau est le plus important. Qu'est-ce qu'on fait de toutes ces personnes qui voudraient se porter candidat en dehors des partis politiques, mais qui se retrouvent informés que les barrières sont déjà là, alors qu'ils le voudraient? Où est-ce qu'ils vont s'exprimer? Où est-ce qu'ils vont le dire? Bref, c'est tous ces mécanismes qui sont faits et qui, par là, semblent ne plus avoir d'options, qui crée une certaine frustration chez une catégorie de la population et qui, si rien n'est fait, risquerait justement d'aboutir à des réactions qui n'iraient pas dans le sens de laisser les élections apaisées, libres, transparentes, parce qu'effectivement, la participation risque d'en pâtir. Oui, député Parfil Maraïka, le projet de loi portant code électoral maintenant se trouve dans les mains du Sénat. Pour lever tous les équivoques que vous avez soulevés, que doit faire le Sénat? Bon, normalement, le co-directeur, c'est une, quand bien même c'est une loi organique, mm-hmm. ne devrait pas être au-dessus de la Constitution. C'est-à-dire que le contenu du code devrait respecter le prescrit de la Constitution. Comme venait de le dire M. Lamy, on ne peut pas exclure quelqu'un suite à sa pauvreté. Mm-hmm. Parce que là, la Constitution prône l'égalité de chance de se faire élire et de lire pour tout le monde. Mm-hmm. Alors quand on commence à mettre en avant ces cautions, c'est une façon d'exclure les uns et les autres. Et ça, c'est à l'encontre de la Constitution. Mm-hmm. Ça se donne. Deuxièmement, c'est ce que M. Banzerotin avait dit, le ministre de l'Intérieur avait, dans une réunion récemment tenue, qu'il a dit que le parti politique est informé, la tenue des réunions qu'on ne demande pas l'autorisation. Ça, c'est vraiment très étonnant, alors que l'honorable Agathon Rwasa avait demandé, avait informé l'organisation d'une tenue d'un congrès en date du 26 février 2024, mais le ministre a refusé. C'est-à-dire que quelque part, il y a un double langage. Alors, à votre question, je trouve que c'est déjà tard pour que le Sénat ait quelque chose à changer. Si on voulait changer quelque chose, il fallait le faire bien avant. Mais pour le moment, c'est trop tard. Parce que le Sénat ne va pas changer le nombre de 13 sénateurs. Parce que c'est trop tard, il n'est plus possible de changer la Constitution. Deuxièmement, sur les coalitions des partis politiques. On dit que les coalitions vont se former après la convocation des élections. Je pense que le Sénat pourrait peut-être se pencher sur cette question pour voir comment augmenter cette période. Et à ce qui est caution. À ce qui est caution. Il faut revoir la baisse, il faut supprimer. Ça c'est possible, ils ont le droit. Mais aussi, il faut savoir que ça va retourner à l'Assemblée nationale. Parce que comme on avait déjà adopté Dieu peut aider. Si peut-être au niveau du Sénat, on revient à la baisse, et que même au niveau de l'Assemblée nationale, on s'amende, ça pourra passer. Et autre chose, mais ça ne va pas concerner le Sénat. Oui, Pamphile Maraïka, j'ai lu dans ce projet de loi les deux articles, celui de 42 et celui de 43, qui parlent du rôle des mandataires. On dit le mandateur pourra être présent ou non, ça ne va pas invalider les résultats des urnes. Que le mandateur pourra signer sur le PVM et non signer, qu'est-ce que vous en dites? Oui, effectivement, ça c'est un autre hic. C'est-à-dire que si un parti politique dont les mandataires pourront être lésés ou pourront être. Qui ne seront pas dans l'ULB, ils peuvent peut-être être à côté ou être, comment dirais-je, s'ils ne parviennent pas à signer sur les PV ou à, quand on dit que ça ne va pas invalider leur, vous trouvez que c'est un problème, alors que dans la crédibilité du vote, on a dit que les élections doivent être crédibles, libres, transparentes et apaisées. Alors, le fait que un mandataire n'est pas le droit ou ne parvient pas à signer sur un PV, c'est qu'il a un motif. Ce motif, ça peut peut-être qu'il a été mal considéré sur place, ou bien qu'il a été. Vous voyez que le parti au pouvoir peut. Les mandataires, des fois, bousculent les autres pour ne pas voir la réalité des choses, surtout même au niveau du dépouillement. Alors, si quelqu'un dit qu'il n'a pas apposé sa signature, normalement, on devrait voir le motif qui a causé ce comportement. Mm-hmm. Mais si on dit que ça ne va pas mettre en cause, c'est-à-dire que c'est un boulevard pour le parti au pouvoir. Mm. Oui, Banzawito, nous sommes dans les dernières minutes de cette émission. Et là, qu'est-ce que vous demandez au Sénat? Est-ce que vous pensez que ça va changer la donne? Puisque jusqu'à maintenant, on ne sait pas qui va bénéficier des éléments de blocage du code électoral. Puisque ce n'est pas le parti au pouvoir, puisque si une fois ce blocage reste, donne la chance que les partis puissent se coaliser pour avoir une grande force. qui pourra même renverser le parti au pouvoir. Si on reste comme ça dans la condition que nous sommes, même le parti au pouvoir n'allait pas gagner avec ça. C'est pourquoi nous demandons que le Sénat burundais devrait connaître que à vaincre sans prix, on triomphe sans gloire. Même s'il gagne les élections et t'assez dans la course, tu n'allais pas dire que tu es vaincu. On devrait laisser la chance aux autres donc de la compétition afin que tu gagnes avec honneur. C'est là où que tu diras que j'ai gagné les élections. Alors, j'ai dit que le Sénat burundais devrait considérer nos contributions, puisque nous sommes à l'unanimité, tous les partis politiques, qu'on devrait baisser les cautions, qu'on devrait baisser les documents, qu'on devrait laisser les médias à publier les résultats après dépouillement. On ne sait pas pourquoi. C'est pourquoi je dis que c'est tout simplement le conseil que demain bien après demain, s'il y a là des problèmes émanant de ces élections, s'il y a là l'Eurotel qui ne se présente pas de suite à ces blocages, le tombé c'est aussi l'Assemblée nationale et si le Sénat qui n'a pas considéré nos contributions. En tant que les compétiteurs des élections, nous sommes les premiers censés en tant que parti politique. On ne peut pas dire les indépendants, puisque jusqu'à maintenant on ne sait pas les indépendants. Mais ce qu'on connaît, c'est les 36 partis politiques qui vont se présenter aux élections. Alors, si on commence alors à nous bloquer, on dira que la démocratie qu'on a est difficilement. Et le parti au pouvoir était l'auteur de l'instauration de la démocratie. Alors, s'ils ont fait la lutte pour encore venir ici à ne pas changer ce qu'ils ont combattu, on dira qu'il est le sort de l'élite. Je ne sais pas. C'est pourquoi vraiment, en un mot, le Sénat burundais devrait inviter le ministre de l'Intérieur, lui demander les propositions des partis politiques de se concentrer, sans toutefois considérer les partis respectifs. Puisqu'avec 13 sénateurs, je pense que parmi les 39 qui seront, ne reviendront plus. Il faut sortir avec honorifique, avec l'honneur. Parmi les 13 députés, les 13 sénateurs qui viendront en 2025, je pense que parmi ceux qui seront, ne reviendront tous. Alors il faut que nous allons sortir honorifiquement en votant des lois satisfaisant les partis politiques qui vont participer aux élections. C'est ça ce que je veux dire dans l'ensemble. Oui, espérons que les sénateurs qui vous lancez l'appel vous entendent. On a besoin d'éclairer nos camps. Voilà les sénateurs qui vont sauver le pays. Oui. Puisque tous les partis politiques, je dis bien, tous les partis politiques, même le parti au pouvoir, nous étions consentis que ces amendements devraient être considérés. Mmh. Parfait, Malaïka. Le dernier mot. Vous avez 2 minutes. Oui. Le dernier mot, c'est vraiment des choses très importantes. Pour que les élections se fassent bien, comme on a déjà réalisé en faux départ avec la mise en place d'un CENI qui n'a pas été très consulté, il faut que quand même les démembrements au niveau des provinces et des communes soient concertés. Deuxièmement, il faut que la carte biométrique soit mise en place parce que le ministre a dit que c'est possible et aussi que ça sera à moins cher. Il faut que vraiment ça soit bien fait. Et aussi, il y a le respect du prescrit de la Constitution. Il ne faut pas que la Constitution soit violée ici et là alors que les codes sont inférieurs. Et quatrièmement, il faut aider les partis qui sont en difficulté, surtout le parti CNL, pour trouver des solutions. Réhabiliter l'honorable Anato Gwasa pour qu'il soit encore une fois reconnu par le ministre de l'Intérieur comme président du parti, afin qu'il puisse participer dans les élections et qu'il puisse les gagner la tête haute, parce que c'est déjà visible. En dernier lieu, c'est la coalition politique. Il faut donner du temps suffisant au niveau de ces coalitions pour qu'ils puissent s'organiser en bonne et due forme, parce qu'on trouve que ça, là aussi, ça va constituer une force, une alternative pour le changement, pour contrer le parti CNDF. Oui, et le dernier mot avec Rémi Hafzadimana, président de l'association Maison Lueur d'Espoir, quel est le clin d'œil pour que les élections prochaines soient libres, apaisées et transparentes? Je demanderai à tout acteur de jouer son rôle convenablement, en sachant que c'est une opportunité à ne pas rater. C'est une opportunité qui est offerte à tout décideur pour que les choses marchent convenablement. Et on trouve plus son honneur par rapport à ses gestes, à ses actes. Donc que chacun joue convenablement son rôle en pensant beaucoup plus à l'avenir de notre pays que nous voudrions tous pacifiques, afin qu'il n'y ait plus ces causes des conflits qui se font déjà sentir alors qu'il y a moyen de les prévenir à temps. Voilà, c'est sur ces appels que je boucle cette émission. Mais avant de quitter ce studio, je remercie à nos invités Rémi Abdelmana, président de l'association Maison Lieu d'Espoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci de m'avoir invité. Merci à ceux avec qui nous avons partagé le dialogue et ceux qui nous écoutent. Pamphile Maraïka, honorable député, merci à vous aussi d'avoir répondu présent à notre invitation. Et merci vraiment de nous avoir invités. Et je dirais aussi encore une fois qu'il faut de bonnes élections pour que le meilleur gagne. Oui, et Gabriel Banzawiton, président du parti APDR, merci de nous avoir répondu présent dans les dernières minutes. C'est moi qui vous remercie infiniment, je remercie mes amis qu'on a partagés, je remercie les auditeurs et je dis que personne n'aura pas de problème à cause de ces contributions qu'on a données. Merci à l'équipe technique, à la présentation de ce débat. Vous étiez avec Evariste Ndikobananga. Gardez écoute à nos émissions. À la prochaine. Mosaïque.